Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la Kalachnikov, l'arme la plus utilisée au monde. Comme vous le savez, les soldats ne font pas d'études. Voilà pourquoi, soldat moi-même, alors que j'étais blessé, j'ai imaginé une arme simple à utiliser. Et vous en êtes fier? C'est comme si vous demandiez à une mère si elle est fière de son fils. Elle le saura toujours. Mikhail Kalachnikov au Salon de l'armement du Bourget en 1996. Kalachnikov parle ici avec fierté de sa célèbre invention, l'AK-47, qui va devenir rapidement l'arme la plus utilisée au monde. Le collectionneur d'armes Pierre Champagne nous dit pourquoi. Dans les armes à fonctionnement automatique, c'est probablement l'arme dont l'entretien est le plus facile. Si vous comparez l'entretien d'un fusil d'assaut américain et celui d'un fusil d'assaut russe, Kalachnikov, si vous ne nettoyez pas votre fusil d'assaut américain tous les jours, après 2 jours, votre fusil va s'enrayer. Un Kalachnikov peut passer une semaine dans le sable, un mois dans le sable, il va continuer à fonctionner comme un œuf. Mikhail Kalachnikov, c'est l'un des plus grands inventeurs du XXe siècle. Il incarne à lui seul les qualités les meilleures de l'homme russe. Tout commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats soviétiques se plaignent du manque de fiabilité de leurs armes. Blessé au combat, Mikhail Kalachnikov occupe sa convalescence à en dessiner de plus robustes. En 1947, il met au point un fusil qui va entrer dans l'histoire. Sa statue de bronze mesure 7 mètres de haut. Elle est l'œuvre d'un sculpteur très en cours au Kremlin actuellement, Salava Tcherbakov. Kalachnikov, c'est un homme que tout le monde respecte en Russie. Pas parce qu'on est agressif et qu'on a envie de tuer quelqu'un, mais au contraire parce qu'il nous a donné les moyens de nous protéger, de nous défendre. Et on est du côté du bien. On raconte qu'à la fin de sa vie, Mikhail Kalachnikov a eu des remords. Il s'est demandé s'il n'était pas indirectement responsable de toutes les morts causées par son invention. L'Église orthodoxe lui a vite accordé son absolution et le pouvoir, en le plaçant sur un piédestal, vient de le canoniser. Extrait d'un reportage de France 2 diffusé le 20 septembre 2017 au moment de la cérémonie de dévoilement du monument dédié à Mikhail Kalachnikov au cœur de Moscou. Pour nous raconter l'histoire de l'AK-47 et de son inventeur, Mikhail Kalachnikov, j'accueille Francis Langlois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste de la question des armes à feu et de la violence aux États-Unis. Francis Langlois, bonjour. Bonjour. Mikhail Kalachnikov a donc son monument, c'est incroyable, mais vrai, au cœur de Moscou. Qu'est-ce que ça nous dit, Francis Langlois, sur ce que représente aujourd'hui en Russie Mikhail Kalachnikov? Ben, Mikhail Kalachnikov donc, est mis comme étant le héros de l'inventivité russe maintenant. Donc, il est passé de héros soviétique à héros russe, un peu comme ce que Vladimir Poutine fait avec Staline. Donc, on ramène ces vieux symboles-là d'un passé militaire, d'un passé fort et puissant. Et évidemment, le Kalachnikov est un peu le symbole du rayonnement russe dans le reste du monde. Et donc, un sujet de fierté. Parlons de l'arme comme telle. Quel rang occupe la Kalachnikov, Francis Langlois, je dirais, au palmarès des armes les plus connues, les plus célèbres dans le monde? Bien, je dirais qu'après la deuxième moitié du 20e siècle, c'est l'arme la plus utilisée, la plus connue dans le monde, dont il existe une multitude de versions, mais finalement, dont le mécanisme est toujours le même, l'apparence est sensiblement toujours la même. C'est l'arme la plus utilisée, celle qui a fait le plus de victimes. Donc, on calcule environ 75 millions d'exemplaires, plus un bon 25 millions de copies ou de dérivés du Kalachnikov. C'est énorme. Donc, son concurrent le plus proche, c'est le M16 américain. On calcule autour de 10 millions de copies. Donc, c'est énorme. Et ce qui est assez cynique, c'est qu'elle ait développé cette Kalachnikov en pleine guerre froide. AK-47, AK pour Aftermath Kalachnikov et 47 pour l'année de sa création. Donc, en pleine guerre froide. Mais j'allais dire, ce qui est assez cynique, c'est qu'à ce moment-là, les États-Unis sont obsédés par la bombe atomique, alors que cette petite Kalachnikov va faire énormément plus de morts, va être une arme beaucoup plus destructrice. Beaucoup plus utilisée, effectivement, que l'arme atomique. Et les services secrets, pourtant, sont obsédés par ça. Et on invente cette arme-là dans une usine qu'on dit destinée à faire des lits. Alors, c'est pour vous dire tout le secret qui entoure le développement du Aftermath Kalachnikov 47. Parlons un petit peu du père de cet AK-47, Mikhail Kalachnikov. Qui est-il? Donc, c'est un homme qui est né dans une famille qu'on appelle à l'époque des Koulaks. Donc, ce sont des fermiers, des agriculteurs qui sont relativement aisés, relativement riches. Et lorsque la collectivisation se fait sous Staline, ils résistent et ils sont donc déportés. On détruit littéralement la maison familiale et on les déporte vers la Sibérie. Donc, le jeune Kalachnikov doit apprendre à vivre là, dans un camp, disons. Mais très rapidement, il développe, en tout cas selon la version officielle de sa vie, donc il développe des aptitudes mécaniques. Il aime les objets, il met la main sur, dit-il, un pistolet Browning. Et donc, il joue avec, il le démonte, il le remonte. Éventuellement, lorsqu'il va être adulte, il va travailler dans les trains. Il va toujours se tourner vers des choses qui sont techniques. Éventuellement, il va être engagé dans l'armée et il va retourner sur les lieux de la ferme familiale et il va voir les ruines. Et il va comprendre assez rapidement que s'il veut continuer à survivre dans le système soviétique, il doit devenir plus soviétique que n'importe quel autre soviétique. Donc, il va apprendre à jouer avec les ficelles du régime pour tirer sur celle-ci au bon moment, donc pour faire avancer sa carrière. Et il va toujours défendre l'idéologie soviétique et accepter ce qu'on va lui dire. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fond, c'est sa propre famille, ses parents sont victimes de ce soviétisme, de cette violence et cette cruauté soviétique. Et lui, pourtant, va devenir un bon soldat de ce soviétisme à tout craint. Oui, il se dit ça parce qu'il ne veut pas subir le sort de ses parents. Donc, il veut réussir dans ce système-là. Donc, il va le faire. Par conviction ou non, c'est difficile à dire, mais... Il va le faire pour... Il va suivre le moule et il va avancer sa carrière de cette façon-là. Alors, comment lui vient cette fameuse idée d'inventer une arme automatique comme la Kalachnikov? Donc, il a toujours aimé les défis techniques. Éventuellement, il rentre dans l'armée, il est mis dans les blindés. Apparemment, il fait des modifications sur certains chars d'assaut qui sont adoptés par le régime soviétique pour améliorer les blindés. La Deuxième Guerre mondiale finit par toucher l'Union soviétique. Les Allemands rentrent en 1941. Il est blessé. Il est envoyé à l'hôpital. Et il semblerait qu'à l'hôpital, il a été perturbé par les pertes soviétiques. Et donc, il veut rendre service à son pays. Et donc, va essayer de développer une arme automatique qui tire des projectiles assez puissants, loin, et quitte à sacrifier de la précision, mais pour permettre d'arroser, si on veut, donc un secteur donc avec des balles. Donc, il va jouer là-dessus. Il va être beaucoup influencé par, dit-il, ou en tout cas, c'est ce qu'on dit, donc par une arme allemande qui s'appelle le Sturmgewehr 44, qui est, quand on regarde les deux armes, très similaire au AK-47. Mais bon, lui, évidemment, ce qu'on dit, c'est que c'est lui qui a eu l'idée. Bon, il a fait le mécanisme et tout et tout. Et il aurait... Donc, sur son lit d'hôpital. Et ensuite, on l'a poussé à faire ça. Donc, il aurait fait ce système-là qui est très simple à utiliser pour, finalement, armer l'armée soviétique. Ouais. Donc, le flash est blessé. C'est un peu de la légende, tout ça, mais blessé sur son lit d'hôpital. Et il a vu ce que cette fameuse mitraillette allemande fait, l'avantage que c'était pour l'armée allemande. Il a vu le dommage que ça faisait. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Il crée sa Kalachnikov. Bon, la légende veut que ce soit sur son lit d'hôpital qu'il ait cette idée. Quand on gratte un peu le développement de l'arme, ça, c'est beaucoup plus encadré. Comment ça va se faire, le développement en bonne et due forme de la Kalachnikov? Donc, on est dans un État totalitaire. Donc, l'État encadre tout, lance un immense concours, met en compétition plusieurs équipes qui arrivent avec leur prototype. Et donc, on fait avancer le concours. Donc, on élimine des équipes. Même à un moment donné, Kalachnikov est éliminé avec son équipe, mais il réussit, grâce à des connexions, à revenir dans le concours. Et ce qu'on lui dit, c'est fait telle modification, on va les prendre sur d'autres modèles qui sont en compétition aussi, et puis bon, ça va devenir meilleur. Ultimement, il est déclaré gagnant. Et donc, toutes les caractéristiques de son Kalachnikov, donc de son arme, lui sont associées. Mais évidemment, ce qui est arrivé pour de vrai, c'est qu'on a pris les meilleurs trucs et on les a mis dans cette arme-là. Mais on a toujours gardé l'idée que Kalachnikov a eue, c'est-à-dire d'en faire une arme simple à utiliser, simple à entretenir et puissante, avec un assez gros calibre. Donc, c'est quand même lui le père, mais bon, il faut comprendre qu'il y a un contexte le plus large qui l'a aidé, qui l'a poussé, et évidemment une machine à propagande qui lui a permis de s'approprier, si on veut, le mérite du développement de cette arme-là. Donc, on va la tester, cette arme. Il y a un certain scepticisme, d'ailleurs, au début. L'armée soviétique regarde ça d'un drôle d'air, avec un œil plutôt louche, mais bon, il remporte le prix Staline, on la met au point, on la développe, on la produit, et arrive, c'est intéressant parce que c'est le premier vrai test peste sur le terrain, arrive l'insurrection de 1956 en Hongrie. C'est là où, pour la première fois, la Kalachnikov est utilisée à grande échelle, je dirais. Oui, donc l'Union soviétique va envoyer des exemplaires de cette arme-là dans tous les pays satellites, mais pas seulement des exemplaires, va envoyer littéralement des usines pour qu'on les produise localement. Et donc, les soldats qui sont là pour encadrer, empêcher les gens de se révolter, finalement, certains d'entre eux abandonnent leur poste et même leurs armes. Et ces armes-là, ce qui est assez ironique, qui sont développées par un État totalitaire pour défendre l'ordre totalitaire, se retrouvent entre les mains de résistants. Et une des premières photos qui se trouve dans le Life magazine aux États-Unis, c'est la photo d'un résistant de la place qui s'est accaparé cette arme-là. Et c'est comme ça qu'on la voit pour la première fois en Occident. Ceci étant dit, évidemment, la révolte est écrasée, on réinstaure l'ordre. Mais donc, c'est vraiment là qu'on la voit en action pour la première fois. Et c'est vrai que cette arme, la AK-47, va être à la fois associée par la suite à beaucoup de mouvements de rébellion, de guérilla, et aussi toujours à... C'est l'arme suprême de l'URSS, du bloc communiste, du bloc de l'Est. Hein. C'est l'arme de l'anti-impérialisme américain, tout le temps. Oui, et qu'on exporte à fond la caisse, là, donc que ce soit à Cuba, en Angola... Partout où est-ce qu'on a des régimes amis ou des causes insurrectionnelles pro-communistes, on les envoie à plein bateau et on équipe tout le monde. Et même encore aujourd'hui, certains pays ont, je pense au Mozambique notamment, mais ont un Kalachnikov sur leur drapeau. Donc, utilisation très, très large dans différents conflits en Afrique. Parfois même, il y aura des groupes terroristes carrément, des groupes criminels qui vont utiliser la Kalachnikov. Au Vietnam aussi, elle sera utilisée, c'est intéressant, la Kalachnikov. On écoute un extrait de reportage diffusé à Euronews en 2013 dans lequel on entend Mikhail Kalachnikov commenter la large utilisation de son arme, justement. Mikhail Kalachnikov ne s'est jamais considéré responsable de l'usage de son invention par des terroristes ou des délinquants. Cela, c'est la faute aux politiques, disait-il. Par contre, il était fier de la célébrité de son fusil légendaire, désiré même par les Américains lors de la guerre contre les Vietcong, selon lui. J'ai vu des soldats américains jeter leur fusil M16 pour ramasser des AK-47 soviétiques, se souvient-il. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu la même chose en Irak. On a pu voir que quand le climat est mauvais, eh bien le M16 ne fonctionne pas correctement. Cette opposition-là entre le M16 américain et la AK-47, elle est intéressante, Francis Landois, dans la mesure où ça nous ramène à la mythologie de la soi-disant supériorité de la AK-47, qui est vraie et fausse à la fois quand on compare ces deux armes, M16 et AK-47. Et ça, on l'a vu, je reviens au Vietnam, mais c'est intéressant, l'exemple du Vietnam, parce que c'était la confrontation de ces deux armes. Tout à fait. Les États-Unis, fiers d'être un pays du libre-marché, logiquement, auraient dû, eux aussi, lancer un concours lorsqu'ils ont adopté l'idée d'armer leurs soldats avec des fusils d'assaut. Et contrairement à ce qui s'est fait en Russie, où est-ce que là, on a eu un concours en bonne et due forme et plusieurs étapes, on a évalué et tout, dès le départ, le Pentagone de Robert McNamara va se pencher, va mettre toute son attention sur une arme qui a été fraîchement développée par une compagnie qui s'appelle Armalite. Et donc, ils vont prendre ce qu'on appelle le AR-15, donc la plateforme du M16, sans l'avoir vraiment testé. Et surtout, il va y avoir quelques tests et on va prendre pour vrai les données que la compagnie qui produit l'arme comme étant vraies. Et alors que ce n'est pas tout à fait le cas, il y a des problèmes mécaniques. Et on n'a pas testé ça dans la jungle, où est-ce que là, l'humidité fait en sorte que la poussière, de la poudre, fait une espèce de mélasse à l'intérieur du mécanisme, et donc les armes s'enrayent. Donc imaginez un groupe de, 50 soldats tirent, se font attaquer, et arrivent pour utiliser leurs armes, et l'ensemble est enrayé dans quelques minutes. Donc effectivement, les Marines et les soldats américains décident de garder leurs anciens fusils M14 ou sinon de littéralement se procurer, de garder les AK-47. Bon, en fait, ce sont des modèles chinois, mais bref, ça reste des AK-47, donc de se les accaparer quand ils en saisissent chez l'ennemi. Là. Ouais. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au fond, la AK-47, sa grande qualité, c'est d'être complètement imparfaite. parce que si on compare encore une fois le M16 ou ses dérivés, c'est des armes dans des conditions conditions idéales, de bien meilleure qualité, ultra précise. Oui. Mais la AK-47, ce qui la rend sur le terrain intéressante, c'est que c'est tout croche, cette affaire-là. Ça résiste à n'importe quoi. C'est un peu le génie de Kalachnikov. Cet homme-là a des défauts, il a des qualités, mais ça, c'est son génie. C'est d'avoir fait une arme dans laquelle les pièces ne sont pas tout à fait... Disons, il y a du jeu entre les pièces, ce qui permet, par exemple, on parlait de sable tout à l'heure, hein, donc ce qui permet, donc s'il y a du sable à l'intérieur, ben le sable va être écrasé par le mécanisme et non pas, va pas l'enrayer, alors que le M16 américain est très, très, très précis, les pièces sont parfaites. Ouais. Mais le problème étant que du moment qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur, ça fonctionne mal, donc on va être obligé sur le tas. Donc pendant la guerre du Vietnam, on va améliorer le M16, ce qui ne sera pas extraordinaire pour les combats. Là. Elle va donc être utilisée par des Américains au Vietnam, par des groupes rebelles ou de mouvements d'indépendance en Afrique. Vraiment, utilisation très, très large de la Kalachnikov dans plein de conflits, tant et si bien que pour certains, on peut parler de, quand on parle d'armement, de révolution Kalachnikov. On écoute à nouveau le collectionneur d'armes Pierre Champagne, qu'on entendait au tout début de l'émission, extrait de l'émission Classe économique du 22 septembre 2009. Le fusil d'assaut russe Kalachnikov a révolutionné la deuxième moitié du 20e siècle, spécialement au niveau militaire. Cette arme-là a été la première version d'un fusil d'assaut qui a été commercialisé, qui a été fait sur une base industrielle très large. Ce fusil-là a amené beaucoup de nouveautés, en particulier au niveau du fait que ça fonctionne en mode automatique, utilise une cartouche qui est beaucoup plus courte et à la fois très puissante, et ce fusil-là a très peu de recul. Parce qu'on sait qu'historiquement, l'un des problèmes que les armées ont toujours eu avec des armes puissantes, que ce soit des calibres 303, 308 et autres, c'était la force du recul. Ça demandait des soldats qui étaient beaucoup plus âgés, plus vieux. Quand je dis plus âgés, je parle quand même dans la vingtaine, par rapport à des soldats qui ont 15-16 ans. Donc, ça amène le fait que cette arme-là est beaucoup plus démocratique. Elle est facile à utiliser en mode automatique et même des enfants de 10 ans peuvent l'utiliser. Ce que, d'ailleurs, on voit en Afrique. Et ça fait qu'elle sera très utilisée. Quelques exemples, Francis Langlois, dont on n'a pas parlé, mais pour montrer à quel point cette arme-là, c'est l'arme vraiment la plus utilisée dans le monde. Donc, si on pense, par exemple, au mouvement de libération de la Palestine, le Hezbollah a le Kalachnikov sur son drapeau. On la retrouve partout, entre les mains, comme on le disait tantôt, d'adultes et d'enfants, et c'est même un problème parce que de plus en plus, ces armes-là, je parle du Kalachnikov, on parlait de révolution, bien, on s'est dit, waouh, il y a un marché ici qu'on a exploité, c'est-à-dire celui, oui, des adultes, des armées régulières, mais il y a le marché des armées irrégulières, et donc on peut multiplier les clients, et donc on peut armer à peu près n'importe qui avec une puissance de feu qui n'a pas de commune mesure avec ce qui se faisait, par exemple, au début du 20e siècle. C'est assez extraordinaire. Et ça devient, c'est assez horrible, mais l'arme des enfants soldats. Ça devient l'arme des enfants soldats. Ça devient également l'arme de sociétés qu'on pourrait dire traditionnelles. Pensez, par exemple, à toutes ces images-là qu'on voit en Afghanistan de gens, des fermiers, tout ça. Ils ont un AK-47 dans le dos. Il y a 50 ans, ces gens-là n'avaient pas du tout le même mode de vie. Mais avec cette arme-là, tout a changé parce que, bon, on donne à monsieur, madame, tout le monde une puissance de feu inégalée. Ce fut pendant des décennies l'arme de choix de l'Union soviétique et de ses alliés. Mais plus de 20 ans après la fin de la guerre froide, la Kalachnikov connaît un succès grandissant sur le marché civil américain cette fois. Matt Livingston aime les armes à feu. Il en possède au total plus d'une dizaine. Mais il vient tout juste de se procurer sa première AK-47. L'AK-47 est vraiment une bonne arme pour se défendre en cas d'intrusion. Avant, je n'avais pas vraiment de fusil que je pouvais utiliser pour me défendre, moi et ma famille. What's up, bro? Les ventes de Kalachnikov aux États-Unis sont en pleine explosion. Une aubaine pour Owen Martin. Dans son atelier, il s'est spécialisé dans la personnalisation de cette arme légendaire. Voilà à quoi ressemble la Kalachnikov quand elle sort de l'usine Izmash en Russie. Moi, je les modifie. Vous voyez, la crosse est télescopique. Et on peut même la plier. Les armes automatiques étant très réglementées aux États-Unis, ces AK-47 sont modifiées pour le marché civil. Elles ne peuvent pas tirer en rafale et chaque pression sur la gâchette ne tire qu'une seule balle. En espérant que les lois anti-armes ne soient pas renforcées, Owen travaille sur son prochain projet. Il veut commercialiser ses propres Kalachnikov fabriqués aux États-Unis. Extrait d'un reportage de l'AFP diffusé en décembre 2012. Là, on touche vraiment au surréalisme, Francis Langlois. La Kalachnikov, cette fameuse arme soviétique anti-impérialisme américain, elle connaît une popularité importante aux États-Unis. C'est énorme, en fait. Oui, effectivement. Et même pire que ça, certaines caractéristiques du Kalachnikov ont été incorporées maintenant au modèle standard de l'AR-15, donc la plateforme du M16. On peut dire que la colonisation du Kalachnikov est totale maintenant. Oui, donc aux États-Unis, l'arme fait fureur. Maintenant, même la compagnie a ouvert des bureaux là-bas et donc produit là-bas donc des Kalachnikovs. Parce que c'est une arme qui reste efficace, facile d'entretien, et c'est une icône, hein, que ce soit révolutionnaire, une icône d'autodéfense, d'indépendance, etc., ça reste puissant. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui va devenir le Kalachnikov du futur. Oui. Et la façon dont je vois la chose est la suivante, c'est-à-dire que le Kalachnikov est pratiquement une arme, en guillemets, parfaite. On peut toujours le modifier un peu, là, mais disons c'est la branche ou la voie de la simplicité et de l'efficacité. Donc, quelque chose qui est assez brut, lourd, facile à utiliser et qui a peu de recul, bon, etc. Donc, et un mécanisme facile d'entretien. Et à côté de ça, il semble que plusieurs compagnies, plusieurs États, donc je pense aux États-Unis notamment, qui cherchent un remplacement éventuel à la plateforme AR-15, on cherche une arme hyper technologique, très avancée, avec un mécanisme précis qui ne s'enrayera jamais, qui va pratiquement être magique. Et donc, on pompe des millions là-dedans. Ça n'a toujours pas développé. Il y a des modèles qui sont sortis. Il y en a qui sont en test. Des trucs avec des balles intelligentes qui explosent à une certaine distance, avec un ordinateur dans le fusil, etc. Mais je crois que le Kalachnikov est là pour rester parce que c'est une arme d'une simplicité enfantine. Ouais. Ça ne s'adresse pas au même, en fait, ni au même budget. À vous écouter, c'est deux marchés. Le marché de la Kalachnikov, même si on réussit cette autre évolution de la Kalach sophistiquée là, oui, qu'on essaie de développer, mais précise, de qualité, mais qui ne s'enraye pas, même si on réussit ça, il y aura toujours un marché pour la bonne vieille Kalachnikov, tout usage. Ah oui, absolument, parce que promenez-vous à la frontière donc, du Pakistan et de l'Afghanistan, vous avez des centaines d'ateliers où est-ce que des Kalachnikovs sont faits à la main par des artisans qui sculptent les crosses, les poignées, qui font les canons à la main, qui les vrillent et tout et tout. Donc, il va toujours avoir ces producteurs-là, il va avoir les producteurs industriels. Et donc, c'est l'arme, hein, on parlait de démocratisation de la guerre jusqu'à un certain point, bien effectivement, c'est l'arme du peuple, c'est une arme qui s'adresse à tout le monde. Une arme aussi vendue, aussi utilisée dans le monde, ça a dû rendre immensément riche notre brave Mikhail Kalachnikov. Ça, c'est une ironie du sort. C'est assez intéressant. L'homme étant un bon soviétique durant toute sa carrière, à part, évidemment, sa pension soviétique, disons, et ses titres et tout. Évidemment, il vivait assez confortablement, là, on s'entend. Il n'est pas devenu millionnaire. Il n'a jamais eu de revenus à partir des ventes de cette arme-là. Et ce n'est qu'après la chute de l'Union soviétique, et même c'est Vladimir Poutine qui va lui donner des rentes et donc de l'argent pour, disons, le reconnaître un peu son statut. Et donc, non, effectivement, il ne touchera pas de redevance. Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.